puis, et j'allais dire déjà, l'enfance se fait lointaine, comme un pays d'où l'on s'en va. Je ne vois plus qu'à peine le rivage, mon amour, mon amour. Avec toi, j'appareille alors. Pour autre part, pour autre chose, à bord de ma quarantaine, et je t'emmène là-bas dans une image. Je t'aime, toi qui ne seras jamais une grande personne. Ne me quitte jamais. Je t'aime. Et puis, comme on va en province, quand on aura fait la vie, nous irons à la soixantaine dans la maison que j'aime en Provence. Mon amour, mon amour. Nous aurons fait l'amour et puis d'autres garçons bien avant les vieux jours et les vieilles nuits. Si tu es sage, tu auras des images. Je t'aime, toi qui ne sera jamais une grande personne. Ne me quitte jamais. Je t'aime. Et puis, mais ça, il faudra que le soir vienne. Je m'en irai sur le chemin où nous attend la chienne. Un pain, mon amour, mon amour. Quand je serai dans les nuages, c'est autre part, c'est autre chose encore. Mais sans toi, tu sais, je serai seul là-bas dans l'autre image. Je t'aime. Moi qui ne serai jamais une grande personne, ne me quitte jamais. Je t'aime.